musique? Où est la musique? Où est la musique? Ça va bien. Où est la musique? Oh, Metalhead is the only one. Seulement. Je ne parle français. We'll be right back.